so we're out of here. On va essayer un truc. Vous allez me faire un solo. Attention, est-ce que vous êtes ready? Are you ready? Attends, un petit réglage, hop, hey. Ah, il y a un bruit bizarre. Plug your instrument. J'ai essayé de trouver la mélodie qui va avec. Là c'est mieux comme ça. C'est un peu aigu. Là c'est mieux, mais c'est un peu aigu. Ouais, ça va être un peu aigu. I hope we can find a way. Faire 2-3 couplets, après je laisse les guitares faire les solos. Ok. I sing and after you could play a lot of solo guitar. Ok. Are you ready? I record. Mr. Titi à la guitare. Mister RP. On l'a refait. C'est un peu dur pour moi parce que c'est trop aigu en fait. C'est trop haut. Ouais, ça va, les niveaux c'est bon. On va la refaire, mais moi je me casse la voix, c'est trop haut pour moi. J'ai mis la barre trop haute. C'est pas grave, j'essaye quand même, mais je suis en train de me niquer la voix. Attention. Accordage. On attend l'accordage. J'attends que ça soit accordé. Accordage. Tuning, please. Tuning, please. Tune your guitar, please. One, two, check. One, two, one, two, one, two, check, check, check. One, one, micro, micro. Dis bonjour, micro. On y va? Gentlemen, Mr. Denis Drum. Thank you, Denis. Come on. restart with a good drum. I restart. Mesdames et messieurs, à la batterie Denny, à la guitare Titi, à la guitare RP. 3, 4. Il n'y a plus de batterie. I restart. Intro with piano. Ouais, il y a une drum, c'est bien. One, two, three, four. Je ne sais pas si Denis sera d'accord. Demande à Denis. Denis, est-ce que tu veux la drum ou est-ce que tu veux que je la mixe? Il est français, Denis? Non, il n'est pas français. Denis, do you want I mute my drum track or not? Titi ask if you want to. Just one track with your drum or two tracks. You decide. Je sais pas s'il a compris, Denis, mon ami. Démerdez-vous. Arista. Moi, je préfère avec la batterie de Denis. Denis, you could play. I don't. Il faut le laisser jouer, Denis. On va pas le niquer avec ma batterie. Denis, you could play drum. Want to play drum? Ok. Alors je vais mettre la batterie et puis après tu te viens. Titi, je crois qu'on l'a vexé, hein. Titi, tu vois, Titi, je pense que là, il aurait fallu le laisser jouer le batteur. Parce que même s'il est. Je pense qu'on aurait dû le laisser jouer. Non, non, non, mais peut-être qu'il a mal pris. Enfin, à sa place, ça m'emmerderait, quoi. C'est comme si moi je te mets une partie qui. Oh, pff, je sais pas, enfin bon. Bon, allez, je remets la batterie, hein, d'accord. Non, il est là, il est là, il est là. Denis. Ouais. Denis, you could play. Apologize. My apologize. You could play. It's not a studio, it's a jam. Bon, on y va. Allez, on y va. Mr. RP, Mr. Titi et Mr. Denis. Low, I hope we get ça fait le refrain. C'était la chanson, l'improvisation du soir. Par contre, ça, c'est vachement aigu. Hein. Par exemple, si je fais que le refrain, si je fais qu'avec le piano.